Absolument, Eliman. Voici astérisque astérisque le livre incomplet astérisque astérisque de votre série, rédigé dans un style à la fois astérisque astérisque narratif, analytique et engagé astérisque astérisque, fidèle à votre univers intellectuel, rigueur historique, souffle panafricain, ancrage sénégalais. Il est conçu pour astérisque astérisque se lire comme un récit astérisque astérisque, tout en offrant les fondations factuelles nécessaires à toute réflexion sérieuse sur Ousmane Sonko. Dies astérisque astérisque livre 1, le refus astérisque astérisque. Astérisque Ousmane Sonko avant la politique astérisque. Il ne suffit pas de dire la vérité. Il faut payer pour qu'elle soit entendue. Proverbe Wolof revisité. Dies dies astérisque astérisque introduction, l'acte inaugural astérisque astérisque. En août 2016, Ousmane Sonko n'a pas été licencié. Il a été astérisque astérisque radié astérisque astérisque effacé administrativement, comme on efface une erreur de calcul. Son crime? Avoir osé écrire, dans un rapport interne, que astérisque astérisque les finances publiques du Sénégal ne servaient plus le peuple, mais une caste astérisque astérisque. Cette radiation n'était pas une fin. C'était astérisque astérisque le premier acte politique d'un homme qui ne se pensait pas encore politique astérisque astérisque. Ce livre raconte cette astérisque astérisque naissance par exclusion astérisque astérisque, comment un inspecteur des impôts, formé dans les couloirs de l'École nationale d'administration, est devenu, malgré lui, la voix d'une génération qui refuse de payer indéfiniment le prix de la fausse indépendance. Car avant les meetings, avant Ziguinchor, avant les chaînes de télévision et les procès médiatiques, il y a eu astérisque astérisque le refus astérisque astérisque. Et c'est là que tout commence. Dies dies astérisque astérisque chapitre 1, l'école de l'État astérisque astérisque. Né le 15 juillet 1974 à Thiès, Ousmane Sonko grandit dans une Sénégal post-indépendance marquée par la astérisque astérisque rhétorique de la grandeur et la réalité de la dépendance astérisque astérisque. Ses études le mènent naturellement vers l'administration non par ambition, mais par sens du devoir. Diplômé de l'ENA astérisque astérisque École nationale d'administration, ENA, astérisque astérisque, il intègre la astérisque astérisque Direction générale des impôts et des domaines, DGID, astérisque astérisque comme inspecteur. Mais l'ENA, au Sénégal, n'est pas qu'une école, c'est astérisque astérisque la fabrique des élites républicaines astérisque astérisque ou de ce qui en tient lieu. Là, on apprend non seulement le droit fiscal, mais astérisque astérisque les codes du pouvoir astérisque astérisque, les silences convenus, les compromis implicites. Sonko, pourtant, ne s'y plie pas. Très tôt, il remarque un paradoxe, astérisque astérisque plus l'État parle de développement, plus les caisses se vident astérisque astérisque. Les grandes entreprises bénéficient d'exonérations discrètes. Les contrats pétroliers restent opaques. Les budgets sont votés sans débat réel. Et personne, dans les bureaux climatisés de la DGID, ne pose de questions. Il commence à noter. À comparer. À calculer ce que coûte chaque exception, chaque passe-droit, chaque arrangement. Dies dies astérisque astérisque chapitre 2, le C de syndicat ou conscience, astérisque astérisque. En 2014, alors que Macky Sall consolide son pouvoir et que les tensions sociales montent, Sonko prend une décision rare dans la haute administration, astérisque astérisque il crée un syndicat astérisque astérisque. Pas un syndicat de revendication salariale, mais un astérisque astérisque syndicat de vérité astérisque astérisque. Le astérisque astérisque syndicat autonome des agents des impôts et domaines, CED, astérisque astérisque naît dans ce contexte. Son objectif officiel, défendre les droits des agents. Son objectif réel, astérisque astérisque exposer le système astérisque astérisque. Sous sa direction comme secrétaire général, le CED publie des notes techniques, dénonce des irrégularités, interpelle publiquement la direction de la DGID. Pour la première fois, des fonctionnaires astérisque astérisque parlent au nom de l'État, mais contre ces dérives astérisque astérisque. C'est une rupture. Dans l'administration sénégalaise, on ne critique pas. On obéit. On gravit les échelons. On devient directeur, puis conseiller, puis ministre. Sonko, lui, choisit la astérisque astérisque loyauté envers le peuple plutôt qu'envers la hiérarchie astérisque astérisque. Dies dies astérisque astérisque chapitre 3, la radiation un martyr administratif astérisque astérisque. L'année 2016 marque le tournant. Suite à une série de dénonciations publiques et notamment sur des astérisques astérisques anomalies budgétaires impliquant des proches du président Macky Sall astérisque astérisque, Sonko est convoqué devant une commission disciplinaire. On lui reproche d'avoir, porter atteinte à la réputation de l'administration. Il répond, l'administration n'a pas de réputation à défendre quand elle trahit sa mission. Le verdict tombe, astérisque astérisque radiation astérisque astérisque. Pas de retraite. Pas de prime. Pas de statut. Juste une porte fermée. Mais dans les rues de Dakar, de Thiès, de Ziguinchor, la nouvelle circule autrement. On ne parle pas de « radiation ». On parle de astérisque astérisque courage astérisque astérisque. De astérisque astérisque sacrifice astérisque astérisque. De astérisque astérisque vérité punie astérisque astérisque. Du jour au lendemain, Sonko devient astérisque astérisque un symbole astérisque astérisque. Pas encore un candidat. Pas encore un maire. Mais astérisque astérisque l'homme qui a osé dire ce que tous savaient astérisque astérisque. Dies dies astérisque astérisque chapitre 4, la parole libre astérisque astérisque. Libéré de l'obligation de réserve, Sonko devient astérisque astérisque consultant fiscal indépendant astérisque astérisque. Mais il ne se contente pas de travailler pour des entreprises. Il utilise les réseaux sociaux Facebook, YouTube pour astérisque astérisque démystifier les finances publiques astérisque astérisque. Dans des vidéos courtes, claires, il explique pourquoi le Sénégal paie encore une astérisque astérisque dette coloniale astérisque astérisque. Comment le astérisque astérisque code pétrolier astérisque astérisque favorise les multinationales. Pourquoi le astérisque astérisque CFA astérisque astérisque n'est pas une monnaie, mais un astérisque astérisque mécanisme de prélèvement astérisque astérisque. Il parle comme un professeur, mais avec la colère d'un citoyen. Ses vidéos sont partagées des milliers de fois. Les jeunes, surtout, y voient astérisque astérisque une alternative à la politique spectacle astérisque astérisque. C'est à ce moment que naît astérisque astérisque la voix du refus astérisque astérisque, pas une voix de haine, mais une voix astérisque astérisque d'exigence éthique astérisque astérisque. Dies dies astérisque astérisque chapitre 5, le pastef germe d'un autre monde astérisque astérisque. Pourtant, Sonko ne se contente pas de critiquer. Dès 2014 astérisque astérisque avant même sa radiation astérisque astérisque, il fonde le astérisque astérisque pastef astérisque astérisque, astérisque patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité astérisque. Le nom est une déclaration de guerre douce. Astérisque astérisque travail astérisque astérisque contre la rente. Astérisque astérisque éthique astérisque astérisque contre la corruption. Astérisque astérisque fraternité astérisque astérisque contre le tribalisme et le clientélisme. Le parti n'a pas de siège luxueux. Pas de sponsors occultes. Juste des réunions dans des maisons, des cours d'école, des terrains vagues. Mais il porte une idée simple, astérisque astérisque la politique doit servir, pas servir à astérisque astérisque. La radiation de 2016 ne détruit pas le pastef. Elle le astérisque astérisque légitime astérisque astérisque. Car désormais, chacun sait, Sonko n'est pas un politicien en quête de pouvoir. C'est un astérisque astérisque fonctionnaire trahi par l'État qu'il servait astérisque astérisque, devenu astérisque astérisque gardien de la République qu'on lui a volé astérisque astérisque. Dies dies astérisque astérisque conclusion, le refus comme fondation astérisque astérisque. Ousmane Sonko n'est pas entré en politique par ambition. Il y a été astérisque astérisque poussé par le devoir astérisque astérisque. Son parcours n'est pas celui d'un arriviste, mais d'un astérisque astérisque homme fidèle à ses principes au point d'en être exclu astérisque astérisque. Ce premier livre ne raconte pas encore les meetings géants, les victoires électorales ou les tensions avec Bassirou Diomé Faye. Il raconte astérisque astérisque l'acte originel astérisque astérisque, le moment où un serviteur de l'État décide que astérisque astérisque servir ne veut pas dire se taire astérisque astérisque. Et c'est précisément parce que ce refus était astérisque astérisque solitaire, risqué, sans garantie astérisque astérisque, qu'il a pu devenir astérisque astérisque collectif, puissant, historique astérisque astérisque. Car un parti ne naît pas d'un slogan. Il naît d'un astérisque astérisque non astérisque astérisque. Astérisque astérisque mais que faire quand on a dit non, astérisque astérisque. Astérisque astérisque on construit astérisque astérisque. Et c'est ce que racontera le prochain livre, astérisque astérisque, le pacte, la naissance, la dissolution, et la résurrection du pastef astérisque astérisque. Dies dies dies punaise note pour la suite. Ce livre peut inclure en annexe, extraits de rapports fiscaux, photos d'anciennes réunions du CED, capture d'écran des premières vidéos de Sonko. Style, sobre, précis, mais avec une tension narrative, comme dans Astérisque le complexe de la poussière Astérisque. Public cible, intellectuel, jeune militant, citoyen curieux, chercheur. Souhaitez-vous que je vous fournisse 1. Ce texte en Astérisque Astérisque fichier Markdown ou Word Astérisque Astérisque, prêt à intégrer dans votre dossier d'écriture. 2. Le Astérisque Astérisque livre 2, le pacte, Astérisque Astérisque des demain ou aujourd'hui, si vous écrivez en continu. 3. Ou une Astérisque Astérisque version condensée Astérisque Astérisque pour intégrer dans un site web, Sabah Film Borodi. Dites-moi, et je le prépare immédiatement. Vous avez lancé une œuvre nécessaire. Je suis honoré de vous aider à la porter.